Bonjour, bonsoir, c'est Hakim. Très heureux de vous recevoir sur Eurodance Autopsy, le podcast qui décortique pour vos magnifiques petites oreilles les singles Eurodance. Pour ce second épisode, j'espère que le premier vous a plu sur celui de Samira avec son When I Look Into Your Eyes. Les premiers feedbacks que j'ai reçus m'ont fait très plaisir et m'encouragent grâce à vous à poursuivre l'aventure et j'espère qu'elle durera. Donc l'idée est toute simple, c'est de s'attarder que sur un single par épisode au format un petit peu plus court. Voilà, mais au moins c'est un petit peu à la même manière de 80s Lost Songs, mon autre podcast qui est consacré aux musiques des années 80. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un titre, un tube qui date de 1989, le fameux Pom Pom Pajam du groupe belge Technotronic. Et oui, cette chanson, en fait, le genre musical de cette chanson est de la Hip House. De la Hip House, c'est un genre musical qui est né au milieu des années 80 à Londres exactement, qui mélange deux autres genres musicaux que sont le Hip Hop et la House Music. C'est un genre musical qui va beaucoup marcher à la fin des années 80 et début 90, mais c'est de l'Eurodance. Oui, j'insiste, je persiste et je signe ce que je suis en train de dire. De l'Eurodance, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que à l'époque, on est en 89, le terme Eurodance n'existe pas. Le mot Eurodance va réellement commencer à se dire auprès du public, des médias, etc., que courant 93, lorsqu'il y aura plein de groupes Eurodance que vous connaissez, tels que les Toon Limited, Masterboy, etc. D'ailleurs, même quand Toon Limited sortait les premiers singles, on ne disait pas que c'était de l'Eurodance. En fait, l'Eurodance, c'est un genre musical, une grosse famille qui englobe plein de petits genres musicaux différents qui conserve les mêmes ingrédients que l'Eurodance que vous connaissez peut-être vous, de qui est plus connu au grand public via les grands artistes tels que Corona, ASMC, donc Toon Limited, Masterboy et compagnie. Donc il y a des puristes qui vont dire non, c'est pas de l'Eurodance parce que en fait ils vont dire qu'ils aiment le début de Technotronic, mais j'aime pas je n'aime pas l'Eurodance, mais c'est de l'Eurodance parce que c'est difficile de l'admettre, mais c'est justement le terme, j'insiste sur ce point, Eurodance, et beaucoup de gens ne le savent pas, n'existait pas. D'ailleurs, c'est la même chose avec l'Italo Disco. Vous savez, l'Italo Disco, dans les années 80, il y a eu de nombreuses chansons que vous connaissez peut-être, que ce soit via Denaro, Spagna, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Mais à ce moment-là, le terme Italo Disco ne se disait pas vraiment. Il est né un petit peu après, et rétroactivement, on peut catégoriser les chansons qui sont sorties avant dans l'Italo Disco. C'est la même chose avec l'Eurodance. Technotronic, Snap, ISMC, MC Sar and The Way Michael, c'est de l'Eurodance. Bon, bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Technotronic, c'est un groupe belge, comme je vous l'ai dit, qui va sortir en premier single ce titre que vous écouterez à la fin de cet épisode. Produit par un certain Joe Bogaert, donc vous vous en doutez bien, belge. Et donc, il se faisait aussi appeler, on le connaissait sous un autre nom, sous le nom de Thomas de Quincy. Voilà, ça faisait peut-être plus américain. Mais ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la version de Pom Pom Pajam, telle que vous la connaissez, n'était pas du tout la première version de ce morceau. En effet, la même année, un petit quelques mois auparavant, un titre va sortir sous le nom de Technotronic. C'est le nom du single et non le nom du groupe. Le projet, qui ne contient que ce single-là, s'appelle The Pro 24s ou The Pro 24s. Voilà, donc mon anglais, vous le savez, c'est mon côté Eurodance Story, est pourri. Donc, en fait, c'est la version qui va permettre de faire naître Pom Pom Pajam quelques mois plus tard, puisqu'en effet, elle est quasiment instrumentale. Je vais vous mettre un extrait et je vous en parle un petit peu vite fait après. Everybody. They fuck everybody. Come fucking everybody. Come fucking everybody. They fuck everybody. Et vous voyez, même si c'est répétitif, que l'on a là le squelette du futur Pompom Podium. Pour ceux qui ne connaissent pas Pompom Podium, vous l'écouterez en fin d'épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce morceau n'a été commercialisé qu'en Belgique pour les clubs en vinyle par le label Sound 89. Mais surtout, ce que l'on sait moins, c'est que même si Joe Bogaert, le producteur de Technotronic, a fait partie de l'aventure de ce morceau unique que vous venez d'écouter, ce n'est pas à lui que revient le mérite principal de la production, puisqu'un notre homme a travaillé sur ce morceau, c'est Patrick Demeyer, un producteur, remixeur, ingénieur du son, qui est lui aussi belge. Voilà pour la petite histoire. Mais dans les clubs, cela a commencé à bien marcher. D'ailleurs, oui, pour ce morceau que vous venez d'écouter, crédité sur le vinyle, il n'y avait que le nom de Joe Bogaert, à savoir le nom qu'il utilisait à ce moment-là, qui était Thomas de Quincy. Et donc, comme ça a commencé à bien fonctionner dans les clubs belges, ils se sont dit qu'il fallait trouver un moyen de le diffuser en radio. Pour cela, il fallait rajouter une voix. Et justement, il connaissait une rappeuse qui faisait l'affaire, qui était déjà dans l'équipe puisqu'elle traînait dans les studios, une certaine Manuela Camozzi, de son vrai nom Yakitke. Yakitke, elle est née en 1972, elle est zaïroise et elle était en Belgique à ce moment-là. Elle va commencer à poser sa voix sur Pompom Podium. Cela fonctionne très bien. Le résultat, vous le verrez en fin d'épisode. Et même, vous en avez eu quelques petits aperçus, même ne serait-ce que dans l'intro. Mais le problème, c'est que Yakitke n'avait que 17 ans lorsque le single Pompom Podium finalisé est commercialisé. Donc, elle était mineure. Et justement, et même ses parents ne voulaient pas qu'elle se montre en public. C'était encore une ado, à un an près, on va dire. Donc, ils ont fait appel à une playbackeuse en la personne de Feli. Alors Feli, pour info, de son vrai nom Feli Kilinji, était déjà ami avec Yakitke, alias Manuela Camozzi. Et Feli, pour info, c'était une mannequin et elle est zaïroise également. Et c'est celle que l'on voit dans le clip coloré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est trouvable sur YouTube. Coloré avec des fonds verts, avec plein de flashs, d'éclairs, de couleurs, etc. Elle était d'ailleurs accompagnée sur ce morceau avec un danseur. Donc c'est celle qui a les cheveux longs et qui était caractérisée surtout par ses lèvres bleues. À l'époque, on ne le savait pas, on pensait que c'était la vraie chanteuse de ce morceau. Elle faisait les shows sur scène, etc. Donc, sur les plateaux télé, c'est elle que l'on voyait qui faisait du playback. Et donc, le scandale va éclater lorsque, sur le morceau suivant, Yakitke apparaît enfin, puisqu'elle est majeure sur, vous savez, le Get Up. Là, cela vous revient, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, donc, Yakitke, elle se montre, donc elle est l'image de Technotronic, et on commençait à se dire, mais attends, la voix de sur Get Up est la même sur Pompom Podium. Les Technotronic, Joe Bogaert, même, ont dû avouer la supercherie, entre guillemets, comme quoi que Feli était juste playbackeuse. Et donc, en effet, lorsque Pompom Podium était sorti, il y avait aussi l'album qui accompagnait ce single, qui sortait en 1989 et qui s'intitule tout simplement aussi Pompom Podium. Et sur la pochette de l'album, on voit l'ombre de Feli. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, la photo qui accompagne, qui illustre cet épisode que vous écoutez, c'est la pochette du vinyle, que je mettrai à chaque fois pour chaque épisode. Et sur la pochette du vinyle, c'est bien Feli que l'on voit sur ce morceau. On retrouve ces fameux lèvres bleues. Et donc, quand cela se sait, donc c'était avant le gros scandale d'Emily Vanilli, qui va faire beaucoup plus de bruit, pourquoi celui de Technotronic a moins entaché l'image de Technotronic? Parce que là, on en était là au tout début, puisque Yakitke a très vite, la vraie chanteuse, quoi, a très vite pris le relais. Voilà. Donc il y a eu moins de soucis les concernant. Et donc, lorsqu'ils rééditent, parce que l'album va être réédité dans presque tous les pays de la planète, lorsqu'il va être réédité un petit peu plus tard aux États-Unis, donc là, ils vont changer la pochette de l'album et ils vont mettre Yakitke. Voilà. Parce que les États-Unis sont très stricts hein, sur les vrais interprètes, beaucoup plus qu'en Europe. Et cela, je vous en ai déjà parlé dans Roden Story, ne serait-ce que via l'épisode de Black Box, que je reviendrai peut-être un de ces quatre dans Eurodance Autopsie. Et donc, Félie, donc, il y aura des rumeurs comme quoi elle va faire une dépression après la révélation de cette histoire. Je n'y crois pas trop personnellement, parce que ce n'était qu'une rumeur. Et de plus, on la voit, Félie, dans le clip suivant, Gail Up. Elle seconde Yakitke, celle que l'on voit playbacker, entre guillemets, le « Before the night is over ». On retrouve ses fameux lèvres bleues où elle a les cheveux plus courts. Ceci dit, si vous voulez avoir un aperçu de la vraie voix de Félie, il faut savoir que Félie, justement, a sorti deux singles solo en 91 et 92. Je vais vous mettre un extrait de l'un des deux, celui que je préfère, c'est « Party Time ». Donc, écoutez la vraie voix de notre chère Félie, qui était l'image de Pompon Pejem. Vous aurez donc une idée de la vraie voix de l'image de Pompom Pejem. Et de quoi parle la chanson Pompom Pejem ? Assez simpliste, les paroles comme bien souvent dans la dance music, mais pas que, même dans la pop, etc. C'est souvent des chansons simples. Là, ça ne parle pas d'amour, ici. Ça parle de musique, de danse, justement, où la chanteuse, Yakitke, t'invite à rejoindre la piste, à faire bouger, à bouger également, à rester debout, à ne pas rester assis, et t'éclater, tout simplement, c'est une invitation à la danse. Et vous savez que il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson Pompom Pejem, de nombreuses reprises par d'autres artistes. Et donc, je ne vais pas tous vous les mettre, mais une qui est très notable, qui sort une année plus tard par un autre grand groupe de hip house et d'eurodance, ce sont les MC Sar and the Will McCoy. Et oui, avant qu'ils nous pondent leur fameux tube It's On You et bien plus tard Another Night, vous connaissez hein, les MC Sar and the Will McCoy, j'en parle aussi dans Eurodance Story, et donc leur tout premier single, ils font une cover de Pompom Pejem qu'ils intitulent Pompom the Jam Rap. Je vous propose d'écouter un extrait avec la voix du rappeur OJ de cette version qui date de fin 89 même exactement, et non 90, mais qui sera vendue vite fait dans quelques pays en 90. C'est parti, Pompom Pejem Rap version MC Sar and the Will McCoy. Show the best you can. Owning it, owning, owning, owning, on to the beat, don't stop until the break of dawn. Say hip, hip, house, house is hip hopping. On the dance floor, there is no stopping. Let your body bump, let your body jump in. Let the sound not go. Say ho! Pump off the jam, pump it once again. Like the bubble with a mic in a hand. Right on time with it, steady rhyme to it. Party people, get down to it. On the microphone, my man, I am the one with the master plan. I got the whole lot more. MCs are in the house. Pump up the jam. Et la voix de la chanteuse que l'on entend sur ce morceau est Sarah, tout simplement, c'était son nom de scène. Et donc, pour info, lorsque l'on entend dans le refrain, quand la chanteuse dit, que ce soit dans la version de Will McCoy ou de Technotronic, « I want a place to stay », on a l'impression qu'elle dit « I want », mais en fait c'est « I want a place to stay ». Quand j'étais jeune, quand je chantais cette chanson, je répétais bêtement « I want », tout simplement, sans comprendre ce que cela voulait dire. Sinon, cette chanson, c'est une des chansons de la dance music qui va être reprise et samplée de nombreuses fois. Elle va être samplée par Plaza, par Benny B, par CNC Music Factory. Quand je dis samplée, c'est que ces artistes reprennent des échantillons vocaux ou musicaux de la chanson Pump Pump Jam pour les utiliser sur leurs chansons à eux. Même les Venga Boys ont samplé Technotronic, un échantillon, un riff musical sur leur tout dernier titre qui est sorti il y a quelques mois par rapport à l'enregistrement de cet épisode. Vous savez, le 1999, facile à dire en français, I Wanna Go Back, voilà. Donc là, il y a des tas de samples, hein. Je pourrais pas vous les mettre parce que sinon l'épisode ferait 2 heures cette fois-ci. Et ce n'est pas le but de ce nouveau spin-off Eurodance Autopsy. Elle va être reprise de nombreuses fois, vous le savez, par MC Sar and The Way McCoy, mais pas que. Il y a aussi des DJ comme Thomas Gold, Crazy Frog également aura la version de Pompon Podium. Il me semble pas qu'on aura une version Schtroumpf, non. Mais il y a une reprise que j'ai envie de vous faire écouter, même si on conserve les voix, etc. Mais c'est un peu plus speed, plus électro, le BPM est un peu plus élevé. C'est le Pump Pump Jam version 98, repris par le groupe DONS, D-O-N-S. Je vous mets un extrait et je reviens de suite là-dessus. Et DONS, D-O-N-S, le nom du projet, était produit par un seul homme de trance music qui s'appelle Karl Oliver Godick, un producteur allemand, DJ allemand même, je devrais dire. Et donc, il y avait 3 playbackeuses que l'on voyait dans les clips et sur scène pour cette reprise de Pump Pump Jam. 2 blondes et 1 brune. La leader, c'était la brune qui me faisait beaucoup rappeler, c'était le sosie de Jill Abbott des Feux de l'Amour. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, sinon, à savoir que le Pump Pump Jam de Technotronic va être édité d'abord en 1989 par le label belge ARS Records. Maintenant, voyons un petit peu en revue quelques remixes notables. Il y a une centaine de remixes, certains officiels, d'autres beaucoup moins. Je ne vais pas tous vous les filer au fur et à mesure. J'en ai sélectionné quelques-uns, les plus notables, les plus intéressants. Je ne vais pas vous mettre les versions longues, la vocal attack mix ou la jam edit qui ressemblent beaucoup à la version single. Ce n'est pas le but. Mais je vais commencer par un remix qui date de 89, la Punani Mix, qui a été remixé par The Wing Command, qui n'est autre que l'association de la rappeuse de la chanson, à savoir Manuela Camozzi, alias Yakike, et Joe Bogart, qui ont décidé de remixer. Vous allez voir, ça change un petit peu la donne, qui donne un résultat assez sympathique. The Punani Mix. I will walk a place to stay. Get your booty. Ensuite, il y a le grand DJ américain David Morales, qui a eu plusieurs Grammy Awards dans son histoire musicale, qui va lui aussi remixer le Pompon Podium en 89, qui va intituler tout simplement US Sunshine Mix, que je vous propose d'écouter un petit extrait. Pour info, David Morales a fait d'autres remixes à la même période pour Pom Pom Pom Jam qu'on peut retrouver sous le nom de US 12 Mix ou encore B-Room Mix. J'ai mis, je pense, la meilleure des trois. Mais elles sont très bonnes les autres. Hein. Allez, dernier remix que je vous propose d'écouter, mais il y en a plein. Honnêtement, on frôle la cinquantaine, si ce n'est plus, de remix officiels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1996, les Technotronics reviennent avec une nouvelle version de Pom Pom Pom Jam qu'ils intitulent tout simplement Pom Pom Pom Jam The Sequel. On est en 1996, ils font appel à d'autres remixeurs, il y a les Dancing Divas ou les Soul Brothers, mais la plus intéressante qui servira de titre lanceur de ce remix, de titre de première piste en fait, c'est celle qui va être remixée par les Tin Tin Out. C'est un duo de DJ britanniques que sont Darren Stokes et Lindsay Edwards. Ben, j'avais le CD de titre, je m'en souviens, la pochette était jaune. Je vous propose d'écouter un extrait de cette sequel de Pom Pom Pom Jam qui date de 96, remixé par les Tin Tin Out. Yo, pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Voilà pour ce qui est des remixes qui sortent du lot, mais les autres valent le coup d'être écoutés. Faudrait, je vous l'ai dit, un épisode de 3 heures minimum. Bon, sinon, cette chanson Pom Pom Pom Jam de Technotronic qui sortait en 89, elle a été coécrite par Manuela Camusi, donc Yakitke, et Thomas De Quincey, à savoir Joe Bogert, le producteur de Technotronic. À savoir, hein, petite parenthèse, Manuela Camusi, donc c'est son vrai nom, hein, donc Yakitka et son nom de scène, et Manuela Camusi, c'est la sœur de Caroline Camusi, qui n'est autre qu'une autre chanteuse qui a marché un petit peu plus dans le R&B, on va dire le groove, qu'on connaît sous le nom de scène, Leki, qui a marché chez nous avec le titre Breaking Out. Et donc, qu'a fait comme score finalement le Pom Pom Pom Jam de Technotronic, eh bien ça a été un tube planétaire. Oui, oui, c'est l'un des rares tubes Eurodance qui a fait le tour de la planète et qui s'est installé en haut des charts de tous les pays. Voyez par vous-même, même si, je vous spoiler alerte, la France est le plus mauvais élève dans l'histoire, comme d'habitude dans la dance music. Le Pom Pom Pom Jam fera numéro 1 au top 50 des ventes de singles en Belgique, leur pays, en Islande, au Portugal, en Espagne, au Zimbabwe, numéro 2 en Autriche, en Finlande, en Grèce, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, donc les Anglais ont aimé le Pom Pom Pom Jam, mais aussi numéro 2 aux USA. Donc ils ont grimpé avec ce titre, les Technotronics, jusqu'à la position numéro 2 du Billboard Hot 100, ce qui était un exploit à l'époque pour un groupe belge, même si la chanson est chantée bien entendu en langue anglaise. Pompompeux James n'est pas fini, fera numéro 4 en Australie, c'est un grand continent, je vous rappelle, au Canada, un grand pays plutôt, au Canada également, gros pays, Nouvelle-Zélande et Suède, 5e en Norvège, et chez nous, en France, elle fera 98e. Je plaisante, elle fera mon chiffre préféré, numéro 7. Donc, c'est un exploit même en France, hein, même si ce n'est pas aussi bien que les autres pays que je viens de vous citer. Ceci dit, même si la France est le mauvais élève, le Technotronic récolteront un disque d'argent pour la France pour le nombre de singles vendus, le nombre d'exemplaires vendus chez nous. Disque d'or aux Pays-Bas, disque d'or au Royaume-Uni et disque de platine en Australie et aux États-Unis. Et donc, je pense qu'il est temps pour vous d'écouter la chanson de Pompompeux James, n'est-ce pas ? Et donc, la version single que vous allez écouter maintenant pour clôturer cet épisode dure officiellement 3 minutes 39. Donc, c'était un single correct, pas comme maintenant. Hein. Maintenant, les singles des années 2000 font moins de 3 minutes, souvent 2 minutes et demie. On n'a pas le temps d'apprécier un titre, mais là, oui, Pompompeux James, vous allez l'apprécier. Donc, avec la voix de Yakitke, Technotronic, produit par Joe Bogaerts, donc le Pompompeux James, qui sortait en 1989. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour un autre titre que je vais décortiquer pour vous. Alors, ça ne sera pas un rythme régulier, hein, ça sera quand j'aurai le temps et quand j'en aurai l'envie, mais l'envie, elle est très présente, hein, je vous rassure. Donc, il y aura d'autres titres, hein, que je mettrai en avant dans ce podcast Eurodance Autopsy. Donc, allez, on se quitte avec le Pompompeux James de Technotronic 1989. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, soit sur Eurodance Autopsy, soit sur Eurodance Story, ou soit sur 80s Lot Songs. C'était Hakim en votre charmante compagnie. Je vous embrasse. Bisous. Your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.